l'appelait Monsieur Tiroir-caisse. Un sobriquet qui, semble-t-il, n'était nullement immérité pour Moïse Tshombe. Et pourtant, ce politicien africain, qui avait une fâcheuse tendance à confondre les comptes en banque de son pays avec les siens, tout comme son ennemi et successeur Mobutu, était aussi un réel homme d'État, un des premiers qui soit né dans cette Afrique tourmentée par les soubresauts de l'indépendance. Récemment, en ouvrant le dossier de la mort dramatique de Dag Hammarskjöld, l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. X a longuement évoqué Moïse Tshombe. Et il m'a proposé d'en reparler un jour, tant le destin de cet homme politique africain recèle encore de mystères. Et d'abord, l'épisode rocambolesque de son enlèvement en Espagne et sa mort étrange au fond d'une geôle algérienne. Mais avant de diffuser ce nouvel entretien consacré à l'histoire de Tshombe, je voudrais revenir un instant sur la mort de Dag Hammarskjöld, car en rassemblant des documents sur Tshombe, j'ai trouvé de nouvelles informations sur l'accident d'avion qui a coûté la vie au secrétaire général des Nations Unies. Je vous rappelle que pour M. X, cet accident n'en était pas un. Et son explication était particulièrement ingénieuse. Le manuel de bord de l'avion aurait été trafiqué de façon à induire en erreur le pilote sur la véritable altitude de l'aérodrome de Ndola, là où il devait atterrir après un vol de nuit de 1600 km. Disposant donc de fausses données, le commandant de bord, qui ne connaissait pas cet aérodrome rhodésien, aurait volé beaucoup trop bas, provoquant ainsi involontairement le crash. Une thèse que je n'avais pu ni confirmer ni infirmer. Or, le ravisseur de Tshombe, un certain Francis Bodenant, avant d'être jugé en Espagne, a fait des révélations sur la mort de M. H. Dans le soir de Bruxelles, du 28 janvier 1982, je lis ceci. Bodenant donne quelques détails sur la préparation, ce dernier mot étant entre guillemets, de l'accident d'avion dont Dag Hammarskjöld a été victime. Il parle notamment d'un spécialiste qui aurait été payé par Tshombe pour voler les cartes et les données qui se trouvaient dans l'avion des Nations Unies et qui concernaient l'aéroport de Ndola. Un récit qui confirme donc la version de M. X. Un détail près. Mon interlocuteur n'avait pas mis directement en cause Moïse Tshombe, mais une organisation extrémiste dont il était proche et qui visait à faire du riche Katanga un État blanc et indépendant. Fermons provisoirement la parenthèse, des auditeurs peut-être me permettront d'éclairer ce mystère. Qui était Moïse Tshombe, dont le visage lunaire et souvent hilar a régulièrement fait la une des journaux entre 1960 et 1967, l'année de son enlèvement? C'était d'abord un chef coutumier katangais, originaire de la famille royale des Lunda, une famille très riche qui possédait des plantations et une chaîne de magasins de détail. Après avoir fait des études primaires et secondaires dans une mission méthodiste, Tshombe, très vite, s'intéresse à la politique. Il faut dire que l'administration coloniale belge, mais surtout les dirigeants locaux de la puissante union minière du Haut-Katanga, ont immédiatement repéré ce jeune homme intelligent et doué, féru d'élégance. Alors que l'indépendance du Congo apparaît comme inéluctable, ils misent sur Tshombe en espérant qu'il saura préserver au mieux leurs intérêts économiques. Effectivement, quelques jours seulement après la déclaration d'indépendance en 1960, la province du Katanga, dont Tshombe est le président, fait sécession. Une sécession préparée de longue date et qui permet au Katanga de ne pas partager ses immenses richesses avec les autres provinces, pour le plus grand profit de l'union minière. Et pour le plus grand malheur du Congo, puisque cette sécession marque le début d'une suite pratiquement ininterrompue de troubles et de conflits qui vont ensanglanter le pays jusqu'à nos jours. C'est en tout cas à cette époque que Tshombe gagne son surnom de Monsieur Tiroir-caisse. On prétend en effet que Tshombe, sous le prétexte de garantir la nouvelle monnaie katangaise qu'il veut créer, a raflé toute la monnaie belge en circulation, monnaie qu'il a placée en son nom, dans un établissement bancaire suisse. La suite de la carrière politique de Tshombe est une succession assez étonnante de succès et de défaites, de triomphes et d'emprisonnements ou d'exils, sans oublier l'assassinat de Patrice Lumumba, dont il porte directement la responsabilité avec son ami d'alors, le colonel Mobutu Sese Seko. En juin 1964, Tshombe est spectaculairement rappelé au pouvoir. Mais en octobre 1965, son ex-ami Mobutu, chef de l'armée, le chasse et prend les rênes de l'État, un règne qui durera 32 ans. Tshombe, lui, ne reverra jamais le Congo, mais exilé en Espagne, il ne cesse de rêver à son retour, jusqu'à ce jour de la fin juin 1967 où il est enlevé. Dans un instant, le récit de Monsieur X. Sokile lo yokeye Nanya kobokolo elanga tolona Sokile lo yogaze Nanya kobate la falala ya bolingo Nanya kobate la elanga tolona Nanya kobokala mama mwana yotobota Ote malango me mieux Nini na kosala soki na zangia Mokili se desade Natikali mozemba na kobima na nanie Nani akobakala Elanga tolona Nani akobatela oye oye Mwano yo tobota Awa yo ke ye re Awa yo ke ye ye ye Mote manango me mi ae ae Falalwango he fana ya Mote manango sundali ae France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Il est certain que même en exil, Tshombe demeurait une menace pour Mobutu. Il avait les moyens de reprendre le pouvoir ? Il en avait en tous les cas les moyens financiers. Tshombe était riche, immensément riche. Oui, de l'argent volé. Oui, bien sûr, en grande partie. Mais vous devez le savoir, Tshombe appartenait à une famille royale très fortunée. Une famille qui régnait sur une tribu installée au Katanga, mais aussi de l'autre côté de la frontière, en Angola. Et cela, c'était important parce que Tshombe pouvait imaginer une reconquête du Katanga à partir de cette fameuse base arrière. Oui, ça, je peux comprendre, mais il faut des troupes, des alliés. Oui, les troupes d'abord, mais il y avait ces fameux gendarmes Katanga qui étaient partis en exil. Mais ils pouvaient à tout moment revenir. Il faut d'ailleurs noter qu'en 1966, ces gendarmes avaient tenté de reconquérir le Katanga et que cette tentative avait été durement réprimée par Mobutu. Et Tshombe, bien sûr, était derrière cette tentative. Il avait gardé toute son influence sur ces hommes dont il était traditionnellement le chef en vertu de sa naissance royale. Mais Tshombe ne pouvait pas compter que sur ses soldats qui étaient souvent de piètres combattants. Alors il a commencé à recruter des mercenaires. Encore les affreux. Naturellement. Il y en avait beaucoup, français, belges, anglais. Des types qui se trouvaient au chômage et qui brûlaient de reprendre du service, à condition d'être bien payés, bien sûr. Et les alliés dont il avait besoin. Il ne manquait pas non plus. Son ennemi, Mobutu, il faut le rappeler, c'était une créature des Américains. C'est la CIA qui l'avait mis au pouvoir, il ne faut pas l'oublier. Ouais, ça faisait des jaloux, ça aussi. Et les jaloux, qui Le Congo, je vous ai dit, quand nous avons parlé de Dag Hammarskjöld, est un fantastique réservoir de matières premières. Un pays béni des dieux, même si la population n'en profite pas. Ça. Donc ça attire bien des convoitises. Les premiers concernés, c'était les Belges, bien entendu. Les Belges et leur union minière. L'arrivée des Américains, ça pouvait représenter une menace pour leur intérêt. D'autant que Mobutu avait l'intention de nationaliser l'union minière. Et puis, il y avait les Français. Pourquoi les Français ? Je crois qu'on en a déjà parlé une fois. Là. Le Congo n'était pas tout à fait dans leur zone d'influence. Oui, oui, mais rien de ce qui touche l'Afrique francophone ne peut nous laisser indifférents. Et puis, je vous rappelle que ce que je vous ai déjà dit, la France du général de Gaulle avait choisi de soutenir la sécession de Tshombe. Jusqu'à l'assassinat de Lumumba. Et vous avez raison. Cet assassinat perpétré par Tshombe était embarrassant. Alors officiellement, on a cessé de soutenir le président Katanga. Oui, ça vous me l'avez dit. Oui, mais en sous-main, nous avons continué de l'aider. Et il est certain que l'ascension de Mobutu, l'homme des Américains, ne pouvait pas faire plaisir à Paris. Car déjà, je vous l'assure, la concurrence était rude en Afrique, entre nous et Washington. Et puis il y en avait d'autres encore. Ah, je vous écoute. Eh bien, on retrouve dans cette affaire les protagonistes de la conspiration qui a abouti à l'assassinat de Dag Hammarskjöld. Ils sont toujours là. Les mêmes. Eh bien, ils n'ont pas renoncé. Ils ont toujours le soutien de l'Afrique du Sud, bien sûr, des Portugais. Et une fois de plus, ils pensent que Tshombe peut être leur homme. celui qui va leur permettre de construire un Katanga indépendant et farouchement anticommuniste. C'est quand même un rassemblement bigrement hétérogène. Sans doute, oui. Et dans cette affaire, chacun joue son jeu, qui n'est pas forcément le jeu de l'autre. Donc il y a concurrence. Et on se regarde du coin de l'œil en essayant de doubler le voisin. C'est d'ailleurs ce qui va perdre Tshombe. Enfin, n'allons pas trop vite. En tout cas, les manœuvres de Tshombe ne restent pas inaperçues. Et son ennemi mortel, Mobutu, n'ignore rien de ce qu'il trame. Grâce à la CIA, j'imagine. Naturellement. Et Mobutu, parfaitement renseigné, donc, a envoyé un signal très fort à son rival Tshombe. En effet, au printemps 1967, quelques semaines avant l'enlèvement dont nous allons parler, Mobutu le fait condamner à mort par contumace pour haute trahison. Un verdict qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un appel. C'est en effet un des signaux assez forts. Oui. Et ça signifie que si Tshombe est capturé sur le territoire de l'ancien Congo belge, il sera immédiatement mis à mort. Oui. Ben, j'imagine que ça n'empêche quand même pas Tshombe de comploter pour revenir au pouvoir au Congo. Oui, c'est plus fort que lui. Il veut prendre sa revanche, quels que soient les risques encourus. Désormais, entre Mobutu et lui, c'est une lutte à mort où tous les moyens seront utilisés. Et tu vois ? Bien entendu, Mobutu a envoyé en Espagne des commandos chargés d'assassiner Tshombe. Mais celui-ci était bien protégé, par des hommes à lui, mais aussi par la police franquiste. Et surtout, il était rusé et excessivement méfiant. D'une méfiance maladive, notez-le bien. Pourquoi cette insistance ? Parce qu'il faudra à celui qui va réussir à le capturer beaucoup d'astuces et de temps pour l'approcher et de gagner sa confiance. Mais il faut dire que derrière lui, il y avait toute une organisation et des gens bien déterminés. Plus qu'un interprète. science-fiction. Couvrirait sans amis qui écoutent et volent dans ma super dimension. Dans un livre, dossier B comme Barbouze, livre qu'il convient de considérer avec prudence car son auteur, Patrice Chéroff, c'est un pseudonyme, a un passé plutôt trouble, j'ai trouvé des références à la tentative de Tshombe de revenir au Congo. Il s'agissait, selon cet auteur, d'un plan de reconquête, le plan Kérilis, mis au point par Tshombe et l'un de ses conseillers, professeur à l'université de Liège, M. Clémence. Je cite. Conscient de la carence de son entourage, le leader katangais a fait appel à une centrale contre-révolutionnaire basée à Lisbonne, dont la raison d'être est d'opposer à l'appareil subversif de la tricontinentale du tiers-monde une autre tricontinentale, musclée, offensive, résolument anticommuniste, décidée à agir sur tous les théâtres d'opération contre les forces marxistes, qu'elles soient d'obédience chinoise, castriste ou soviétique. C'est la centrale camouflée sous les activités de l'agence Aginter Press, dirigée par un activiste français, Yves Guérin-Sérac, alias Yves Guillou, alias Ralph. Plus loin, Chéroff écrit encore, je le cite à nouveau, « Le professeur Clémence organise le recrutement à travers l'Europe de plusieurs centaines de mercenaires regroupés sur les bords du Tage. L'encadrement est assuré par une pléiade d'anciens officiers et sous-officiers français, ayant l'expérience des conflits indochinois et algériens, ainsi que par des spécialistes portugais de la guerre révolutionnaire, démobilisés sur instruction spéciale de la DGS, la Direction générale de la sécurité du gouvernement portugais, et enrôlés à titre individuel. » Voilà autant d'informations qui recoupe assez précisément le récit de M. X et aussi sa thèse sur l'assassinat de Dag Hammarskjöld. Parlons d'abord de cet homme qui a enlevé Tshombe. Qui était-ce ? Un nommé Francis Baudenant, un ancien croupier, surtout un truand. Mais un truand assez spécial qui fricotait pas mal avec les services secrets. Une barbouze ? Si vous voulez. On avait beaucoup parlé de lui dans les années 50. Tiens donc, racontez. Ce type qui avait déjà eu maille à partir avec la justice française pour une histoire d'incendie volontaire a été arrêté en 1955, je crois. Et là, pour quelle raison ? Pour une affaire très grave, un double assassinat commis dans la région de Montfort-la-Maurie. Deux trafiquants qui magouillaient avec Bonnant. Ensemble, ils avaient décidé de revendre à l'armée des stocks de graisse périmée, je ne sais quoi encore. Une escroquerie relativement banale qui aurait mal tourné. Et pour ça, Bonnant les aurait tués ? Oui, sans doute à la suite d'une dispute. Mais autant vous le dire tout de suite, cette affaire cachait autre chose. J'imagine que vous avez une idée. À vrai dire, non, pas exactement. mais je sais que Bonnant avait déjà été recruté par les services, par le SDEC pour être précis. Je vous en ai souvent parlé. Les services secrets sont régulièrement tentés de faire travailler ce genre d'occasionnel. Pour faire le sale boulot, quoi. Oui, et surtout pour ne pas être mouillé en cas de pépin. Mais vous avez bien dit que vous étiez sûr que ce Baudenant appartenait au SDEC. Tout à fait. Et il n'était pas le seul truand à être employé par les services. Il y avait aussi un ami à lui. Un type assez étonnant, Joatia. Vous avez certainement entendu parler de lui. C'est difficile de ne pas avoir entendu parler de lui. C'était, parce qu'il est mort d'un cancer, je crois, de la gorge. Ancien déporté, grande gueule et figure légendaire du milieu. Et Barbouzard, Atia et Baudenant avaient d'ailleurs travaillé ensemble à Tanger. Tanger, port franc et zone internationale qui était alors la capitale des gangsters et des espions. Vous savez qui était le chef d'escale d'Air France à Tanger en ce temps-là ? Aucune idée, non. Un certain Antoine Lopez. Ah, le Lopez de l'affaire Benmarca ? Lui-même. Vous voyez, le monde de la truanderie et celui de l'espionnage sont tout petits. Et les deux mondes ne cessent de s'interpénétrer. Donc, Atia et Baudenant étaient amis. Atia, qui malheureusement venait d'être incarcéré à Tanger, après avoir lamentablement raté une opération commanditée justement par le SDEC, un attentat contre le chef de l'Istiqlal. J'ai quand même l'impression là qu'on s'éloigne un peu de notre sujet. Non, pas tant que ça, pas tant que ça, vous le verrez. Bon, on verra, comme vous le dites. Mais Baudenant est arrêté pour ce double meurtre de Montfort-la-Maurie. Hein. Et aussitôt, il se défend en disant qu'il était en mission pour l'OSDEC. Et il refuse d'en dire plus, parce que, dit-il, il n'a pas le droit de parler. Pas très crédible comme défense. Sauf qu'on a pu établir que Baudenant était réellement en contact avec l'OSDEC. Ah bon. Donc il n'affabulait pas. En tout cas, il ne mentait qu'à moitié. Je veux dire d'ailleurs que son procès, où se sont affrontés quelques ténors du barreau, dont Florio, l'avocat de Baudenant, a été une vraie bouffonnerie. À cause du système de défense de Bonnan, assez absurde. Non, non, non, à cause d'Atia. Ah, mais je croyais que lui était en prison à Tanger. Et justement, quand il a appris que Bonnan était inculpé pour ce double meurtre, il s'est accusé. C'est moi, c'est pas Bonnan. Absurde, non? Pas du tout. Ce qu'Atia voulait, c'était être extradé en France, et il a réussi. Et il a été jugé en France? Non, non, l'instruction a montré très rapidement que Atia n'était pour rien dans cette affaire. Et puis lui aussi, il a montré aussitôt la couleur. J'appartiens au service secret. Bah, quelle discrétion pour les agents secrets. C'était un truand avant tout. Ouais. Enfin, quand même, c'était risqué pour lui, cette demande d'extradition, non? Oui, mais Joatia était comme ça, dans son genre. C'était un seigneur. Ouais. Et Bonnan? Eh bien, il a été condamné à 12 ans de réclusion. Avouez que pour un double meurtre, c'était quand même pas bien cher payé. À l'époque, on vous envoyait à la guillotine pour bien moins que ça. Vous laissez penser que la justice a été un peu influencée. Bien évidemment. Les patrons de Bodénan lui ont été reconnaissants de ne pas avoir parlé. Ils ont fait le nécessaire. Donc, condamné à 12 ans de prison, il purge sa peine. Une partie de sa peine, n'exagérons pas. Encore une intervention de ses chefs? Vraisemblablement. Et libre, que fait-il ce Bodénan? Il s'évanouit dans la nature et quand il réapparaît, il porte beau et manifestement, il dispose de moyens financiers considérables. Le truand est devenu quelqu'un. Quelqu'un? Et que s'est-il passé? Mystère. Enfin, presque. Car je vous donnerai l'explication tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vrai. L'ancien repris de justice s'est métamorphosé. Il prétend qu'il fait des affaires et voyage beaucoup en Afrique. En fait, il donne le change, quoi. Oui, oui, il construit son nouveau personnage, en fait. Mais vous devez déjà vous en douter. Il tisse sa toile, patiemment. Objectif, Chambé? Bien entendu. Je suis un éléphant, je danse comme un sauvage, la danse des éléphants. Dans un instant, nous allons voir avec Monsieur X comment Bodenant s'y prend pour lier connaissance avec Tshombe jusqu'à devenir l'un de ses intimes. Un piège très habile. Je ne vous en dis pas plus. Toutefois, selon d'autres versions, Moïse Tshombe aurait été simplement victime de son appât pour le gain. Bodenant, en effet, aurait approché Moïse Tshombe pour lui proposer une juteuse affaire immobilière à réaliser en Espagne. Et il lui aurait proposé de visiter des terrains à lotir situés à Ibiza. Tshombe aurait accepté de faire le voyage en avion avec Bodenant, voyage au cours duquel le leader africain, on le sait, a été enlevé. En tout cas, dans la plupart des documents que j'ai lus, livres ou articles de journaux, on souligne qu'il est vraiment étonnant que le leader congolais soit tombé dans un tel traquenard. On peut se demander, écrit un journaliste de la revue Historia, comment Moïse Tshombe, ancien président du Congo, se sachant condamné par contumace dans son pays, condamné à mort, qu'on sait par ailleurs rusé, méfiant, riche et protégé jour et nuit par les autorités espagnoles, a-t-il pu se laisser enlever ? Et le journaliste ajoute, je le cite, « à défaut d'autres qualités ». Francis Bodenant a fait preuve dans cette affaire d'une singulière patience, menant l'approche de sa proie comme un fauve de haute savane, sachant où l'attendre et y mettre le temps qu'il faut. 18 longs mois se sont en effet écoulés entre le rapt réussi de Tshombe et la première mise en œuvre de son plan pour y parvenir. Revenons donc à Monsieur X et à la troisième partie de notre entretien. Alors, comment procède Bodenant pour approcher Moïse Tshombe ? Pour commencer, Francis Bodenant a pris contact avec un nommé Sigal, Charles Sigal, un avocat d'affaires bruxellois. Sous quel prétexte ? Le truand est devenu le fondé de pouvoir d'une société suisse, la CDFI, un holding dont le PDG est un riche américain. Bodenant dit à l'avocat que la CDFI veut créer une société européenne de financement. Il a donc besoin de ses services pour rédiger ses statuts. Oui, mais attendez, quel est le rapport avec Tshombe, là ? J'y viens. Soyez aussi patient que l'a été Bodenant. Ce dernier fait donc affaire avec Sigal, qui apprécie le sérieux de son interlocuteur et client, et d'autres affaires suivent. Manifestement, Bodenant dispose de fonds importants, et l'avocat se félicite d'avoir rencontré l'ancien truand. Et cet avocat d'affaires, là, ne se méfie à aucun moment ? Pourquoi se méfierait-il ? Bodenant a du répondant, des relations solides avec des groupes sud-africains, des projets immobiliers importants en Espagne et où il semble très bien introduit dans les milieux gouvernementaux. Non, bon, je vous assure que n'importe qui se serait laissé prendre. Ouais, n'importe qui. Mais la suite alors ? Bodenant parle à Charles Sigal d'un nouveau projet. Sa société, donc la CDFI, veut créer un vaste mouvement panafricain, une organisation non politique dont l'ambition est de pacifier l'Afrique et d'encourager son développement tant économique que moral en favorisant l'entraide et la fraternité. Mais rien que ça, moi, ça me paraît un peu bizarre ou utopique. Hein. Non, pas tant que ça, parce que Bodenant ne cache pas à l'avocat qu'il ne s'agit pas seulement de philanthropie. En effet, dit-il, si ce mouvement parvenait à ses fins, nul doute que les financiers internationaux s'intéresseraient enfin à l'Afrique et investiraient des sommes colossales. Ça, c'est un langage que l'avocat d'affaires doit mieux comprendre. Exactement. Et Bodenant pousse son dernier pion. À la tête d'un mouvement aussi ambitieux, il faudrait une personnalité africaine de premier plan. Ouais, je vois. Moïse Tshombe. Et voilà. Seulement Bodenant est malin. Il ne prononce pas le nom de Tshombe. Il laisse Charles Sigal y penser lui-même. Oui, c'est astucieux. Mais il faudrait que Sigal connaisse Tshombe. Très juste. Or, si l'avocat ne connaît pas personnellement Tshombe, il se trouve qu'un de ses bons amis, lui, le connaît très bien. Vous avez compris. Si Bodenant a ferré Sigal, c'est parce qu'il savait que l'avocat était lié à ce proche de Tshombe. Et ce proche, qui est-ce ? Un certain Marcel Ambursin. Un Belge, lui aussi. Un type qui a participé à l'aventure katangaise. Financier, aigrefin et néanmoins conseiller de Tshombe. Tshombe à qui il doit d'ailleurs beaucoup d'argent. C'est ce type-là, pas très net, pas très clair, qui va mettre en contact Tshombe et Bodenant. Oui, car Tshombe d'emblée a été séduit par l'idée de Bodenant. Le prestige ? Oui, et puis il faut le dire qu'Ambursin a su trouver les mots qui touchent. Il a affirmé aux politiciens congolais qu'une somme considérable, plusieurs millions de dollars, serait mise immédiatement à la disposition du mouvement, dès sa création officielle. Une somme que lui, Tshombe, serait chargé de répartir. On ne pouvait pas parler plus agréablement à M. Tiroir-Kess. Qui a vu l'occasion là, de servir au passage. Oh, c'est l'évidence. Et un rendez-vous est donc aussitôt pris entre le généreux Bodenant et le cupide Tshombe. Ou en Espagne? Oui, oui, parce que là-bas, Tshombe se sent en sécurité. Donc, on se voit, on discute et très vite, on tombe d'accord. Il y a quand même une chose qui m'étonne. Hein. Tshombe, on le sait, n'était pas né de la dernière pluie. Alors, comment expliquer qu'il ne se soit pas renseigné sur ce bedonnant? Ça aurait été facile, il aurait tout de suite appris son passage judiciaire. C'est vrai. Mais Tshombe, sans doute aveuglé par l'importance des sommes en jeu, n'a fait aucune recherche. Et puis il avait confiance en son ami en Bursin, et Charles Sigal était un avocat honorablement connu à Bruxelles. Bon. Alors comment ça se passe ensuite? Bedonnant, qui est descendu dans un palace madrilène, revoit Tshombe, et le traite de façon somptueuse. Et il abat sa dernière carte. L'accord va pouvoir être très vite signé. Les dirigeants de la CDFI, le patron américain et deux banquiers suisses, vont incessamment se déplacer à Madrid afin de rencontrer Tshombe. Et une nouvelle fois, Tshombe ne nourrit aucun soupçon. Non, non, il attend tranquillement que ses banquiers viennent à lui. Il est sûr de son affaire. Un rendez-vous a été pris pour la signature dans un grand hôtel de la capitale espagnole. Toutefois, il y a un léger contretemps. Ah, bizarre. Ouais, les dirigeants de la CDFI ont été retardés. Un ennui de dernière minute, mais qui en aucun cas ne remet en cause les accords passés. Bodenant est vraiment désolé. Il est prêt à faire n'importe quoi pour excuser le retard de ses patrons et faire plaisir à Tshombe. Tiens, et pourquoi pas une excursion à Ibiza en attendant? Une journée de plaisir avant de passer aux choses sérieuses. Et justement, Bodenant a loué un avion privé, un jet. Pardonnez-moi d'insister, je trouve quand même le piège un peu grossier. Vous avez tort, parce que Tshombe n'y voit pas malice. Et on monte joyeusement dans l'avion. Il y a là, à part Bodenant et Tshombe, les deux policiers espagnols, gardes du corps du leader congolais, Marcel Ambursin, l'avocat, Charles Sigal et son épouse. La suite, vous la connaissez. Oui, racontez quand même. Hein. Eh bien, au beau milieu du vol, Bodenant a sorti une arme. Il a hurlé « Je suis un agent secret » et il a mis en joue les passagers, les deux pilotes. Et il a ordonné à ces derniers de mettre le cap sur l'Algérie. Une demi-heure plus tard, le jet se posait sur un aérodrome militaire algérien. À part le Congo, il ne pouvait y avoir de pire destination pour Moïse Tshombe que l'Algérie socialiste. À cause de son implication dans l'assassinat d'Oumumba? Oui, et aussi à cause de sa réputation, M. Tiruarquès. C'était l'incarnation du néocolonialisme, le diable en personne. Et il ne pouvait pas attendre beaucoup de clémence de la part du colonel Boumdiène. Oui, mais selon les règles juridiques internationales, l'Algérie ne pouvait pas juger Tshombe. C'est exact, mais elle pouvait l'extrader en direction du Congo. Car dès l'annonce de l'enlèvement de Tshombe, Mobutu a réclamé officiellement qu'il lui soit livré. Or, Boumediene, on le sait, n'a pas répondu favorablement. Non, et malgré le jugement de la Cour suprême algérienne qui a autorisé l'extradition. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un des mystères de cette affaire. Y a-t-il eu une négociation secrète entre Boumediene et Mobutu? Négociation qui aurait échoué? Ou Boumediene aurait-il hésité à livrer Tshombe à la potence au risque de se voir condamné par l'opinion internationale? Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, à la longue, ce prisonnier a dû lui paraître encombrant. Et il s'est arrangé pour que Tshombe s'efface discrètement. En 1969, on l'a retrouvé mort dans sa cellule. Officiellement, Tshombe est décédé d'une crise cardiaque. Ouais, je vois que vous ne croyez pas à cette pseudo-mort naturelle. Hein. Bien sûr que non. Croyez-moi, il y a bien des façons de simuler une mort par accident cardiaque que demander à n'importe quel médecin un petit peu futé. D'accord, mais... Alors quand même, revenons à la question essentielle, hein, celle qui compte, là. C'est qui a fait enlever Tshombe? Qui se trouvait derrière ce bedonnant? Vous avez raison, c'est la question la plus importante. Le principal suspect, vous en conviendrez, c'est Mobutu. C'est lui qui avait le plus d'intérêt à se débarrasser de Tshombe. Mais désolé, ça n'est pas lui. Ah, alors qui? Une coalition un petit peu inattendue. Surtout quand on pense que ces deux-là ont toujours été chien et chat. Surtout sous la présidence du général de Gaulle, où on n'aimait pas beaucoup les Américains. Vous voulez insinuer que des Français ont été mêlés à cette histoire en collaboration avec des Américains? Ah, mais je n'insinue pas, je le sais. Bon, alors du côté américain, c'est encore la CIA. Oui. Son représentant à Kinshasa, Frank Davlin, a joué un grand rôle dans cette affaire. Et du côté français, les services secrets? Une frange des services secrets, oui. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans les services, c'était un petit peu compliqué. Il y avait le SDEC, bien sûr, mais il y avait aussi une autre officine qui s'occupait plus particulièrement des affaires africaines et qui, d'ailleurs, était souvent en bisbille avec le SDEC. Mais je vois, vous voulez parler des réseaux Focard. Vous avez tout compris, ce que je vois. Et à votre avis, ce sont les réseaux Focard qui ont fait cause commune avec la CIA dans l'enlèvement de Tshombe? Je comprends pas. Au Congo, français-américain étaient plutôt concurrents, non? Il l'était, oui. Je vous ai même dit au début de cet entretien que la France avait été un des plus sûrs soutiens de Tshombe. Seulement, la politique n'obéit qu'au réalisme. Et quand on a estimé que Mobutu était durablement installé au pouvoir, on a tourné casaque. Donc on a lâché Tshombe. Mieux. On a même voulu donner un gage à Mobutu en organisant son enlèvement. C'était apporter au dictateur congolais la preuve éclatante que notre pays tournait la page. Et bon, tant pis pour Tshombe. Ouais. Et Bodenan, au fait? Eh bien, Bodenan est resté dans une prison algérienne jusqu'à la mort de Tshombe. C'était bien mal de récompenser, celui-là. Croyez-moi, il était bien mieux là-bas, parce que s'il avait été tenté de parler... Ah oui. On l'aurait supprimé. Oui, bien entendu. Et ensuite? Bah ensuite, il est retourné à ses petites affaires, magouilles, escroqueries. Il a purgé une peine de prison en Belgique pour une affaire de trafic d'armes, ce qui prouve qu'il continue à évoluer dans les mêmes milieux. Puis à la fin de sa peine, l'Espagne a obtenu son extradition. Oui, en vertu de quoi? En enlevant Tshombe, il avait aussi enlevé deux policiers espagnols, souvenez-vous. Donc il a été conduit en Espagne. Dès son arrivée, il a joué les gros bras. Si on me juge, je vais tout dire, tout. Mais curieusement, lorsqu'il a comparu devant ses juges espagnols, il s'est tu. Conclusion, Francis Bodenan a compris où se trouvait son véritable intérêt et il a accepté sans sourciller sa condamnation à 20 ans de prison. Il est vrai que l'attitude de Francis Bodenan a été très curieuse lors de son procès en Espagne devant un tribunal militaire. Non seulement il n'a pas mis la France en cause, alors qu'il avait promis de le faire lors d'une conférence de presse donnée à son arrivée sur le territoire espagnol, mais il a prétendu avoir agi en tant que responsable des services de renseignement du Zaïre, nouveau nom du Congo belge. Réalité ou rideau de fumée, difficile de se faire une idée. En tout cas, même si Mobutu n'était pas l'instigateur direct de l'enlèvement de son rival, il est certain qu'il était au courant de l'opération puisque, avant même le détournement de l'avion, trois hautes personnalités congolaises se trouvaient dans la capitale algérienne. Manifestement, elles attendaient l'arrivée de Tshombe. À samedi prochain.